Les punaises. Conte. Je m'arrêtai une nuit dans une auberge pour m'y reposer. Avant de me coucher, je pris la bougie et en examinant les coins du lit et des murs, je vis partout des punaises. Je réfléchis alors aux moyens de m'installer pour éviter ces vilains insectes. J'avais un lit pliant, mais je savais que si je le plaçais au milieu de la chambre, les punaises descendraient le long des murs et par les pieds du lit monterait jusqu'à moi. Je priai donc l'aubergiste de me donner 4 coupes en bois. Je mis de l'eau dans les coupes et dans chacune d'elles, je plaçai un pied du lit. Je me couchai, je mis la bougie par terre et j'observai ce que faisaient les punaises. Les insectes, me sentant, arrivaient en foule. Je les vis courir sur le parquet, grimper au bord de la coupe, les unes tombées dans l'eau, les autres s'en retournaient. Je suis plus fin que vous, pensais-je. Maintenant, vous ne m'atteindrez pas. J'allais éteindre la bougie lorsque je me sentis mordre. Je cherche et je trouve une punaise. Comment est-elle venue chez moi? Me dis-je. Un instant après, j'en sentis une autre. Je regardai attentivement autour de moi, ne comprenant pas comment elle pouvait arriver jusqu'à moi. Lorsqu'en regardant au plafond, j'en vis une qui s'y promenait. Et lorsqu'elle fut au-dessus du lit, elle se laissa tomber. « Non, m'écriai-je, on ne peut pas être aussi rusé que vous l'êtes. » Puis, je mis ma pelisse et je sortis.